je voulais vivre pour chanter et parler d'amour. Je voulais voler, mais quelque chose m'empêche. J'étais comme qui dirait prisonnier, comme un faux oiseau. Regardez leur tête, ils sont comme j'étais, sans même savoir pourquoi. Alors pourquoi s'en faire puisqu'on lance des cacahuètes, eux qui n'ont fait que chasser avant d'être enfermés. Je voulais vivre pour chanter et parler d'amour. Je voulais voler, mais quelque chose m'empêche. Vivre pour chanter et parler d'amour. Je voulais voler, mais quelque chose m'empêchait. T'es comme qui dirait prisonnier, comme un faux saut. Hep, regardez leur tête, ils ouvrent leur gueule entre leurs murs, et d'ailleurs ils ne savent plus faire que ça. Alors pourquoi s'en faire puisque les cartes ne sont plus dans leurs mains. Je voulais voler, mais quelque chose m'empêchait. J'étais comme un aigle dans le brouillard. Je m'accrochais à ce que je trouvais à côté. Je voulais vivre et parler d'amour. Je voulais voler, mais quelque chose m'empêchait. J'étais comme qui dirait prisonnier, comme un faux oiseau.